Troisième partie. Les clients sont difficiles. Oh là là, les clients sont difficiles aujourd'hui. Oh oui, ils sont très difficiles. Madame Leroy n'aime pas la chambre numéro 7. Non? Elle demande la chambre numéro 10 au troisième étage. Ah non alors. L'ascenseur ne marche pas.